بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. N'as-tu pas considéré celui qui tient pour mensonge la rétribution? فذلك الذي يدع اليتيم. C'est justement lui qui rudoie l'orphelin. ولا يحض على طعام المسكين. Et qui n'incite point à assurer la subsistance du pauvre. فويل للمصلين. Malheur donc à ceux qui prient. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Mais qui sont distraits de leur prière, salat. الذين هم يراءون. Ceux qui font tout par ostentation. ويمنعون الماعون. Et s'abstiennent de prêter à autrui le moindre ustensile.